Egunon, entzuten duzue, orain sortzi herrialdeak zuzenan irratxauren tenorea dugu. Sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, arratxeko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Sortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta Sortzi Probintziak elkarteak antolaturi. Agur deneri, entzuten duzue Sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, escucha Sortzi herrialdeak zuzenean. Emisión para y con la diáspora vasca. Hi everybody, you're listening to Sortzi herrialdeak zuzenean, the Basque Diaspora Show. Lilia Zuri! Allez, Ransoun, Chegitu, Francesescoa. Bonjour tout le monde, vous écoutez Sortzi Herrialdeak Zuzenean, l'émission de la diaspora basque. Tabaik Lilia ere bai gurekin da gaur. Horentzi bertan entzutena, beti bezalako, Johnny Kurutxaten bertsoa. Ez duzu olatz, arazo bat emankizun bat Johnny Kurutxat gabe? Ez da posible. Bon, ebe, segitzen dugu beraz, Johnny, esariko dugu berandu xago. Robert, nola zira? Untxa. Untxa, bikain. Gaur, aipagai, beraz, saiatuko gira izaitza telefonoz Michel Sandrez musikalariarekin, berarekin egonen gira telefonoz. Euskara Ipar Ameriketan Aitor Inarerekin aipetuko dugu. Pilota, Ipar Amerika, Euskal Herrian bizi, gai horiek aipatu ditugu Ester Zigandarekin. Jeu de Pomme, Zerden, Historia eta Gaur, Cecil Alxutegi eta Stefan Duforekin. Eta beti bezala, diasporaren berri, eguraldia gure miz eguraldiarekin Lilia eta Abar. Deitu nahi baldin baduzue, galdera bat baldin baduzue, zero bos beratzi, irulogoi, ogoitamar. Edo igori e-mail bat, irratia abildua zenbakia sortziprovinziak.com. Kieres llamarnos, tienes una pregunta, kieres enviar un mensaje a tu familia, puedes llamar a este número, 0033-559-5960 o envias un correo electrónico a esta dirección irratia@número8provinciac.com. Vous souhaitez nous faire passer un appel, envoyer un message, envoyer un petit coucou à la famille, à la diaspora, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire en appelant le 0033, ça c'est le numéro international, 05 59 59 60 30, ou par courriel à irratia@sortziprovinciac.com. If you want to get in contact with us with any questions or message to your family or friends, do not hesitate to call us directly at International 33-559-59-3060 or send us an email at iratia@8provinciac.com. Hala beraz, hasi baino lehen, nahi nuke horretarazi norbaiti, erran baitu dela bi haste kanalduden telebistan eta zuzenean, beraz, orai dela guti gora bera goi urte, iparaldean bada elkarte gutxi lan egiten dutenek Euskal Diasporarekin, orain Euskal Argentina eta orain dela gutxi euskodiaspora.com gunea. Bon, emazte hau da Euskal Argentina elkarteko lehendakaria, eta ongi ezagutzen gira, enfin, uste nuen, orduan agia egia, beharam nola gu maitatu dugulako egia erraitea Sortzi Probintziak elkartean, horretaraziko dugu pixka bat zer egina izan den, huai dela ogoi urte baino gehiago, gure iparaldean, 1900 eta 1900 urtean, Baionako Merkataritza Ganbarak egin zuen erakusketa bat, Euskal Diasporari buruz, Isabel de Ajuria Gerraren laguntzarekin. 1900 eta 1900 urtean Euskal Argentina sortu zen, beraz, 18 urte eta ez ogoi, 2004 urtean Sortzi Probintziak elkartea sortu zen, 2005 urtean Euskal Irratiak eta Sortzi Probintziak sortu zuten Sortzi Herrialdeak Zuzenean irratxoa garkoa, enguai dela, 10 urte baino gehiago adigilela hori iten hilabeteroz behin. 2005 urtean Eusko Ikaskuntza Donosti eta Iparralde sortu genuen Eusko Xare Plataforma. 2006 eta 2009 urtean France Bleu Pays Basque Euskaldunak Munduan Irratsaioa antolatu zuen. 2006 urtean Euskal Kultura Erakundea Euskal Argentina sortzi probintziak eta Eusko Xare Barne L'Argentin de Basque Erakusketa antolatu zuten. 2007 urtean Euskal Kultura Erakundea Euskal Munduak Erakusketa egin zuen. 2008 urtean gaur arte herria astekaria azken horria du beti Euskal Diasporari buruz eta hori Joseba Etxarriren esker. 2008 urtean Deiadar Elkartea Urepelen Salvador eguna ospatu zuen diasporarekin. 2008 urtean Le Monde de Basque artikuluak La Semaine du Pays Basque astekarian urtsintxaren eskutik. 2009 urtean Teatro Diversan antzerkia diaspora bidaian antzerkia egin zuen. Eta 2012 urtean Eusko Ikaskuntza Iparralde beraz bai euskodiaspora.com proiektu berrie eramaiten du. Gehitu behar dira ere noski ditugun ikertzaileak Argitxu Kamuetxekopar eta Claude Mehatz, zenta nor eiek ere bai ikerketak egintuzte, baizik eta liburuak ere bai ateratu. Beraz, pentsatzen dut, sortzi probintziak elkarteko lehendakari gisa, ni, Benoit Etxeberri, norbaitek erraiten dituelarik gauz batzuk lehenik pentsatu behar direla gauzak, eta preseski bere onduan delarik sortzi probintziak elkarteko diru zaina, eta bere parean gure ohorezko lehendakaria Johnny Kurutzet gau aldian, hortan, beraz, ustaritzen. Les leçons sont à prendre par tous, nous les premiers, mais il nous semblait à nous les plus jeunes que nos aînés n'avaient pas besoin de devoir apprendre le savoir-vivre et le savoir-respecter le travail des autres bénévoles. Mil esker horrekin segitzen dugu, oraintxe bertan, ez olatz, besegitzen dugu Michel Sandrez, ekin hor badugulako, Michel Sandrez. Hala. Bonjour Michel. Allo Michel. Ez dugu, Michel. Ez duten zuten olatz. Alo. Alo, alo. Ez dugu, Michel. Michel, je ne t'entends pas. Alo, Michel. Bon, arazo tekniko bat badugu. Michel Sandrez, beraz, né à Saint-Jean-de-Luz le 1er octobre 1932. Eginen dugu janek biografi txiki bat eta hasteko eta berriro errekuperatuko dugu. Michel Sandrez mène une double activité de compositeur et de pianiste puisqu'il a été pendant plus de 20 ans le pianiste de l'Orchestre National de France. C'est là où il a construit sa démarche musicale en créant des œuvres de compositeurs comme Gilbert Ami, Alain Bancard, Toru Takemitsu, René Coering, Renaud Gagneux, Eugène Kurtz. Sa première œuvre, Racine, pour grand orchestre, a été jouée par l'Orchestre symphonique du Venezuela sous la direction de M. Esteves, ainsi que Egolios pour l'orchestre à cordes et récitant. Tous deux reprises en tournée en France et à l'étranger. Suivent des pièces pour musique de chambre, notamment le quatuor à cordes, un cycle de mélodies pour voix grave, violon, violoncelle et piano. Quatre pièces pour flûte et harpe, Oyu. Pour les violoncellistes, le violoncelliste Jean Groot, et des commandes de l'ensemble Venance Fortunat ou du trio à cordes de Paris. Il est aussi l'auteur de musique de film. Depuis quelques années, il se consacre à la musique vocale et est régulièrement invité à créer ses œuvres à l'abbaye de Sylvanès. Est-ce que tu es avec nous ? Oui. Michel, voilà. Enfin nous t'avons. Bonjour Michel, oui. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Écoute, ça va un peu. Je stresse moins car tu es enfin là. Voilà, j'ai eu très très peur quand j'ai essayé de te rappeler. Alors c'est vrai que je devais te rappeler dans la semaine, je n'ai vraiment pas eu le temps. Ouais. Et alors je sais aussi que Pancho Etcheguen devait être avec nous ce soir. Il ne peut pas être parmi nous puisqu'il a, pour des raisons personnelles, il avait d'autres choses à faire ce soir. Simplement, il m'a dit de te passer le bonjour. Et donc j'étais en train de faire un peu la présentation de Michel Sandrez. Est-ce que tu as entendu ou pas ? Non. Non. Non, non. Bon, je vais peut-être pas reprendre depuis le début, mais j'en étais à être régulièrement invité à créer ses œuvres à l'abbaye de Sylvanais, pour, oui. Le Stirpe GC, par l'ensemble de Venance Fortuna, repris en concert lecture de Radio France à l'église Saint-Louis en Lille, a fait l'objet d'un enregistrement CD, Stab Amateur, pour trois sopranos, et a été donné au Festival d'Art Sacré de la ville de Paris, à la Semaine de la Musique d'Avant-Garde de Renteria et au Festival de Parvis à Rodez. Et Quiz Quid également, par le chœur de chambre à Quentus, créé pour le 20e anniversaire du Festival de l'Abbaye et diffusé sur France Musique. Oui, Michel Sandrez a également écrit un opéra Un opéra conte Marie d'Égypte. D'après le roman de Jacques Lacarrière, sur un livret de Philippe Laborie, pour lequel il a reçu une bourse bon marché, cette œuvre est en cours de programmation. Elle est, ça y est, elle est finie, là. Comment ? Cette œuvre est terminée. Oui, il y a très longtemps qu'elle est terminée. Voilà. Donc, il va falloir que je retravaille un peu mes sources. Et alors, voilà. Et alors, plus récemment, ce que je sais, c'est que c'était en 2009, en fait, tu as fait également avec l'Orchestre Régional Bayonne-Côte Basque la présentation de la création lapidaire en basque, en euskara, sur le texte de Jacques Lacarrière et donc Libérame. Donc, et donc, c'était une co-direction de Michel Sandrès et Fabrice Parmentier, c'est bien ça ? Non, non, j'étais seul à diriger. On s'est partagé le concert, mais chacun dirigeait une partie du concert, voilà. D'accord. Est-ce que j'ai pas trop dit de bêtises pour l'instant ? Non, non, c'est un peu succinct, voilà. Ben, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, ce sont les inconvénients de la radio. Oui. Nous avons donc effectivement quand même discuté ensemble il y a quelques semaines et j'ai voulu vous faire intervenir dans cette émission, car c'est vrai que ça fait quand même 10 ans que nous existons et nous n'avons, et je l'ai marqué en gras, en majuscule sur ma feuille, jamais évoquer la musique classique et la culture basque. Oui. Alors ma première question, c'est selon vous, bien que la culture basque ne soit pas forcément connue pour cela, il y a-t-il une relation, je dirais historique, entre la culture basque et la musique classique ? Écoute, c'est un peu comme en littérature, c'est-à-dire qu'il y a des génies. Ouais. Et il y a des génies au sud et des génies au nord. Et le plus grand, le plus connu, le plus mondialement connu au niveau musical, c'est Ravel. Mmh. Et au niveau littérature, je pense que c'est Unamuno. D'accord. Et les deux ont leur source dans la langue, c'est-à-dire que les deux démontrent exactement le système linguistique à travers leur personnage et leur façon d'écrire la musique. C'est très intéressant, ça. Le personnage d'Augusto Pérez, d'Unamuno, il est tout le temps entre réel et non réel, réel potentiel, tu vois, exactement ce qui constitue les difficultés de notre langue. Et chez Ravel, c'est comme ça aussi, si bien que des gens comme Yankelevitch, etc., n'ont pas compris Ravel. Ils disaient que Ravel, c'était de l'artifice, du faux-semblant, etc., parce qu'ils ne connaissaient pas du tout les problèmes linguistiques. Voilà. Et au niveau musique classique, donc, car je t'avoue que, comme je l'ai annoncé, ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas évoqué la musique classique. Alors, en fait, ça commence parce que moi-même, j'ai employé un mot connu pour nos auditeurs, je suis une bille en musique classique. Je suis pas bon. Donc, voilà, ça fait sourire Robert, d'ailleurs. Et, en fait, combien y a-t-il, selon toi, enfin, à ce jour, d'auteurs, compositeurs en musique classique assez connus ? Parce que je sais qu'il y a quand même l'Orchestre National de Euskadi. Oui, voilà. Un très bon orchestre. Voilà. Alors, il y a eu Maurice Ravel, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi les origines basques de Isaac Albéniz. Oui. Voilà. C'est Oyamburu qui dit ça, oui. Voilà. Et ensuite, justement, bon, Oyamburu, forcément, mais toi, et ensuite ? Alors, ensuite, au sud, ils sont beaucoup plus nombreux au sud parce que le sud est beaucoup plus développé sur le plan industriel, sur le plan culturel, etc. Nous, on a un vrai retard par rapport au sud. Mais au nord, donc, à Bayonne, au conservatoire de Bayonne, il y a Josa Valette, qui est un très bon compositeur, qui est basque, lui, qui parle un basque absolument parfait. Il y a Joël Mera qui n'est pas basque, mais qui vit au Pays Basque depuis très longtemps, qui est un bon compositeur aussi. Et puis, il y en a d'autres que je n'ai pas en tête, celle-là. Alors, moi, je vais te poser quand même une question un peu personnelle, parce que nous l'avons évoqué quand même. C'est, tu es né donc en 1932 à Saint-Jean-de-Luz. Oui. Une génération très particulière par rapport à la langue basque. Oui. Tu comprends l'euskara, je crois ? Je comprends pas très bien. Voilà. Parce que, mais pourquoi alors tu l'as eu parlé, je crois. Mais pourquoi non. Non, tu ne l'as pas parlé. On me l'a jamais appris, non. Alors pourquoi ? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi on ne l'a jamais ? Parce que c'était interdit à l'époque par le jacobinisme. La République interdisait les langues minoritaires, pas seulement le basque, mais le breton, le corse, etc. D'accord. Donc il était interdit aux enfants de mon âge, de ma génération, de parler basque à l'école, on était punis, ils étaient punis, tu vois. D'accord. Et très longtemps, on était considérés un peu comme des gens du tiers-monde. Il y avait une occupation touristique très indignante. Alors, moi, j'étais très, très révolté par le comportement des Parisiens en général ou des gens qui venaient d'ailleurs, avec une arrogance insupportable. Il faut le dire, ça. Non, mais tout à fait, il ne faut pas se voiler la face. Alors, petit à petit, il y a beaucoup de gens... Il y a des vrais talents au Pays Basque. Il y a des gens qui sont chefs de service, mais pas à Saint-Jean-de-Luz. Tu vas dans les hôpitaux de Saint-Jean-de-Luz, tu n'as pratiquement pas de Basque. Tu vois ? Ouais. C'est très, très, très... À l'Académie Ravel, à Saint-Jean-de-Luz, il n'y a pas un seul Basque. D'accord. Voilà, et... même pas moi, tu vois. De temps en temps, il m'entrouvre une porte, et puis il la ferme pendant plusieurs années de suite après, voilà. Ils ont très, très peur de l'attitude basque, parce qu'on a des caractères, il faut dire aussi, très fantasques. C'est la langue aussi qui nous donne cette espèce de côté fantasque avec tout ce jeu des désinences qui nous donne ce côté imagé. Parcours très, très différents, des détournements de sens, comme à la pelote, pareil, au trinqué, tu as des détournements de trajectoire. Tout à fait. Tu tapes sur le filot, la balle, tu ne sais plus où elle va. Il y a des effets, des contre-effets. C'est très curieux, ça. Alors, les gens sont mal à l'aise, disons, avec ça. Mm. Et tu as, par exemple, Joël Daricot, qui dirige les grottes de Chausséedaïa, historique de Chausséedaïa, dont elle est le propriétaire. Ce sont des grottes où il y a 80 000 ans de présence humaine. Tout à fait. Et pratiquement personne ne développe cette idée, tu vois, ce patrimoine-là, cette richesse. Alors, on reste, pour moi, j'adore aller manger, boire, chanter avec les Basques. Mais il faut aussi passer au niveau supérieur. Mmh. Et là, on reste trop dans le traditionnel. Mmh. Il y a des vrais talents aussi. Au sud, à Saint-Sébastien, il y a un savant très reconnu, Etchenique. Oui, tout à fait. Physique nucléaire, voilà, des choses comme ça. Tout à fait, qui a été même président de l'Académie des sciences, Yakiunde, effectivement. Voilà. Tu vois, c'est un type... Et moi, j'ai discuté avec lui, et quand je lui dis est-ce qu'il faisait des conférences en basque, il m'a dit non, le basque est une langue domestique, tu vois. D'accord. Donc, si on reste dans le côté domestique de la langue, c'est très important, sauf qu'on va petit à petit s'éteindre, voilà. Mm. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce petit témoignage, Michel. Non, mais c'était très, très important pour que nos auditeurs aussi comprennent un peu qui tu étais, parce que bon, j'ai donné un peu ton CV incomplet, certes, parce que c'est très difficile pour moi en très peu de temps à la radio. Est-ce que tu as dit que j'étais le pianiste de l'Orchestre National de France pendant 30 ans? Voilà, alors moi, j'ai marqué un peu plus de 20 ans, parce que la donnée que j'avais, c'était plus de 30 ans. Ça a été dit. Bon. Et en fait, c'est quelque part rappeler que même au niveau culturel que un petit enfant du pays il peut aller quand même très loin, il peut aller très très loin, et avec le temps même de là-haut toujours essayer de mettre en valeur un peu ce qu'il a été et ce qui lui a permis de devenir cela. Et moi je trouve que tu le fais très très bien dans ta présentation et dans l'amour que tu montres à ton pays en tout cas. Oui et j'ai un fils qui est donc professeur de théologie au collège des Bernardins, qui était moine et prêtre, et un autre qui est champion de pelote. Voilà, contre qui j'ai failli jouer à Marseille en septembre, tout à fait, hein, Raphaël. Voilà. Bon, Michel Sandrez, je te remercie énormément pour ce témoignage. On va continuer, nous, l'émission, parce qu'on en a jusqu'à 21h30 quand même ce soir. Oui. Et on a plein d'invités encore à recevoir. Michel, je te remercie énormément. Nous, on va lancer les traductions maintenant. Merci à toi. Merci beaucoup, Michel. Et à bientôt. Au revoir. À la Bellas, Goulekinguinouen, Michel Sandrez, Bellas, Norda Michel Sandrez, da, pardon, labour qui, il y a un doute, hein, da, il part à l'écho, surtout c'est un donné manel, ou il se met la béatse, un ta, ogoïta, amabi, urtean, et ta, c'est un Bellas, mouchikaladi, piscat famatua, gaurigun et francian, il s'en da, ogoïta, mar urtes, orchestre, franciaco, orchestre nationalico, pianista officiala, et guindi, ditu filma, enfin, musika filma asko, egin ditu obra batzuk, Gilbert Rami, Alain Bankart, Tortu Takemiztu, René Coering edo René Gagneu de Eugène Kurtzendako. Bere lehen obra da itzen zen Racine, beraz, Racine dira sustraiak, eta orkestu izan dena, beraz, Venezuelako orkestra sinfonikoan. Egin ditu ere bai beste obra batzuk, egolioz bezalakoak, eta nun aurkestuak izan dira bi aldiz frantzian noski baizik eta atzerian. Geroztik ere bai egin ditu orduan musik de chambre deitzen diren obra batzuk, quatuor, enfin, bon, ezeren da pixka bat luzea baita, egin ditu ere bai filma batzuen musika batzuk. Eta bai dela zanbait urte ere bai hasi zuen lana, bosaren inguruan, eta beraz gomitatua da askotan, bera obrak aurkesteko, Silva Vanes abeitan, beraz strip jese, esemplo gisa. Bere azken obra bat, da opera kont bat, etzenena Marie d'Egypte, Egipteko Maria, eta Ropin, Jacques Lacarrièren liburuaren liburutik egina, eta geroztik, hor 2009 urtean, Baionako Lurraldeko Orkestra Sinfonikoarekin egin zuen beraz obra bat, Lapider deitzen dena euskaraz, euskaraz dena, eta beste bat deitzen dena Liberame. Hala enetako, Robert, translation for you, please. Sure, I'll do it briefly here. Michel Sandras is a composer that is born in Saint-Jean-de-Luz in 1932, and he had a double activity as a composer and a pianist, and he spent 30 years in the Orchestre National de France, the French National Orchestra. I'm just going to mention some of the things that he talked about in the interview. Benoit was asking him about the historical relationship between Basque culture and classical music, and he pretty much referenced that in Hegewalde, or on the south side, that it was a little bit more developed than here in Iparralde. And then Benoit also asked him why didn't he learn Basque when he was growing up in that time period that that Basque was forbidden. And he actually used the French version of a system of Jacobism that kept children from learning Basque. And it was also interesting for him to mention that he felt that when the tourists came during the summer, that was more like an occupation of these people. I mean, they were very arrogant and they looked down upon the Basque culture. But he also felt that it was because they feared the Basque spirit and how important the Basque language is for that power. And the folks that would come here were uncomfortable with that. He also mentioned statistics like 80,000 years of human development in this region, and he was a little bit disappointed that that fact or those ideas aren't developed a little bit more, and that for some people that the Basque language is a domestic language that should be learned at home, but if it stays that way, there's a great fear of it being lost forever. Thank you. Ara beraz, Kepa Junkera hiri kantua entzun dugu oraintxe bertan. Entzuten duzu beraz sortzi errealdak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Eskutxa sortzi errealduak zuzenean emision parai kon Diaspora Baska. Robert. I really wasn't paying attention right there. Can you do that one more time, Benoit? You are listening to Sortie Real Basque Diaspora Show. Vous écoutez Sortie Real Basque Sénéan, l'émission de la Diaspora. Robert Kakoch, Fuchs, allez hop, Pierre Chapin. Bargatou, hein? That was a little outer space there. Sorry about that. No, we're drinking water. That's water. It's water. Not vodka. It's water. Only water. Water. Are you sure? Have you ever been at Matching House? Yes. It's the same color, but it's not water. Okay. Sorry. Beraz, segitzen dugu, gure emankizuna, mezuak nahi behar dituzue bidali ere bai, e-mail ez posible da, irratia@zenbakia8provintziak.com elbide da. Aito Rinaga. Kaixo Gabon. Kaixo Gabon, nola zira? Oso ondo. Bi ditugu gaurkoak, hemen San Francisco-koak hemen gaur. Robert, sortzez? Yeah. Eta Aitor. How you doing? Aitor, San Francisco-ko euskaldun berria. Edo amar urtez. Amerikano berria. Amerikano berria. Horixe. Bai, bertakoa sentitzen naiz. Ala sentitzen gea California o San Francisco-a joaten geanak, normalean sentitzen gea horrela, ez? Piskate ongi etorriak eta bertakoak bezala. Orduan, Aitor, San Francisco-n bizizira, konturatu naiz goizontan aktore, ere bai? Hala da. Eta euskarazko erakaslea. Hori da. Gizmintzatu mikroan. Bai. Orduan, lehen galdera, beraz, zu, nun sortu zira azkenean egualdean? Bai, ni Donostian jaioan nintzen. Naiz. Eta beraz, bai dela, amar urte, joan zira Kalifornia bat. Bai, dena utzi eta untza joan nintzen. Eta zer egiteko, aratola? Dena utzi eta... Bueno, ez nekien zer egiteko. Joan nintzen ez zitza delako nere bizitza gehiagik gustatzen hemen. Bueno, gehiago nahi nuen, bizitzan banekien zeo zer gehiago bat zeola. Faltazizun zer baito. Hori da, ez da esan nun, bueno, ba, zeatik anez, ez? Lana gaine aldatzea di joan, lan bat utzi eta beste lan bat hartzean di joan. Eta ordu momentu egokia zen etzako ahontza joateko. Hilabete batzuk pasatzea pentsatu, baina azkenian, pues, hilabete horiek bihurtu dira 10 urtetan, da gauza asko egin izan ditut 10 urte hauetan. Asi que nahiko pozik nago nire erabakiakin. Bai, eta baduzu asmoa negoiteko gehiago? Bai, hemen ona etorri nintzen orain dela 6 hilabete bakarrik denboralditxo bat pasatzea, baina ja prestatzen ari naiz buelta, ziur aski urtarrilan edo bueltatuko naiz San Franciscora, eta, bueno, ikusiko dugu. Oain gauzak lasaiago hartuta, eta hobe, eta ja familia ikusita, eta hoi da. Hora, zuk esplikatzen ari gauzu behar da, zenta Robert, zenta bergauza, zenta bera ansortua da ben. Zer da Euskaldun izaitea Kalifornian? Beraz, Euskal Herriko Euskaldun bat badoa bizitzea Kalifornian, zenta nun baita erretan algin nuke zuk emigratu duzu. Hori da. Eta beraz, zer da han... Hango Euskaldun batek, arat badoa, eta nola bizitzen du bere euskaltasuna, bere nortasuna, hori guztia nola bizitzen du? Ba, zeran, etze hon inungo diferentziaik nire artean eta irlandez edo txinatar baten artean. Ze azken finean hiri handi batea joaten zea eta beste batzea. Etzea berezia, etzea euskalduna, etzea beste tokitakoa. Baina gerora bai etorri zan pixkat nire nahia, nire erroekin martxan o kontaktuan jartzeko, eta pasanitun... Hiru bat urte inungo erlaziorik gabe euki gabe inungo euskaldunekin edo espainolekin edo hemengo inorrekin, bakarrik amerikanoekin nahi nuen erlazioan egon da, bueno, hango kultura ezagutu nahi nuen ondo, baina gerora bai, gerora sentitu nun ke hiru urte pasazian, baina 20 izan zitezken ere bai eta nahi nuen nere komunitateekin harremanetan jarri. Orduan Euskal Etxea hurbildu nitzan eta aholku hori ematen diot jende guztiari, Euskal Etxetara hurbildu zaitezte, jende oso jatorra eta oso lagunkorra dago toki guztitan, eta segituan kolaboratzen hasi nitzan, euskara irakasten hasi nitzanan, lagun pila egin nituen eta hori pixkanaka azten joan da eta beste proiektu batzutara eraman nau eta azken finean ba esaten zenuna, ez? Zure komunitatearen barruan sentitu eta horrekin identifikatu eta horren kanpoan gaudenoi hori falta zaigu eta azkenian ba gure jendean artean lortu dezakegu. Han dagoen jendia, han dauden euskaldunak normalean ez dira ni bezalakoak, baizik eta han jaioak, amerikanuak dira, Robert bezala. Edo Esther bezala ondoan. Hori da, hori da. Eta orduan, pues, horrekin identifikatzea, pues, denbora ematen du, ez da automatikoa, ez da kazu ezerre aman komunian, jende honekin, normalean ez dute ez da hizkuntza hitz egiten. Baina, bueno, azkenian gu denok aman komunian gauza kultura lasko ditugu, eta horrek etxean sentiarazten zaitu denborarekin. Eta beraz, etxean sentitzen zira hor? Bai, gaur egun bai. Bai. Gaur egun bai. Bai. Gaur asko ditu. Orduan, esan duzu bezala, euskara erakasten hasi zinen, esan baita hori segitzen duzu orduan. Hori da, bai, eta mazkitia 6 urte eta erdi euskara irakaslean. Eta nun, San Franciscon preseski bakarrik edo beste legu batzuetan edo... San Franciscon dakago Euskal Etxea South San Francisco irian, hor onduan bertan, eta Euskal Etxe oso handia dago, eta bai, han nahiz irakasle. Eta zonbat ikasle badira? Guti gara bera, klase batean... Fe, zenta, ez zira, bai. Baduzu kargu bat ere bai naborendako hori da, Euskal hizkuntzari buruz... Hori da, bai, oain dela bi bat urte edo izan zan aurreko euskera koordinatzaileak bere lan utzi zuen, eta, bueno, neri eskaini zidaten, eta izena eman nuen, eta beste pertsona batekin batera, Itxaso Kailerorekin batera, egiten de euskara irakasleen koordinakuntza estatu batuetan. Hori da nabori dagokionez eta bueno, pues horrekin gabiltza eta gure nahia da euskara eskolak aztea eta gehiago egotea estatu batuetan, baina bestalde esan bezala 6 urte eta erdi da mazkit euskara irakasten San Franciscon bertan, lana pilo bat gustatzen zait eta oraindikan ere mantendu ahal izan dut nire euskara maila horren beste utzi eta geroan pasata eta ez da gutxi. Eta bueno, hori, ba, nire jendiakin harremanetan egon da, eta zentzurretan, ba, pixkat zure bizitza komplementatuz, ez da? Aberastu? Aberastu ere, bai. Eta da... mantendu, ez da? Mantendu, eta hori da, aberastu. Aberastu, esan nahi nuke, kulturalki, eh? Ez diruz, ez dut diru. Hori da, hori da. Ez dena kulturalki, eta bai. Azken finean zure ustez, kanpoko begiekin orain, bainan bihotza beti hemen etxan. Hori da. Nola ikusiko zinukezuk, nola ikusten duzu Euskal Herria gaur? Asko zobe, ni Euskal Herritikan joan nintzen oain dela 10 urte eta gauzak zeuden ondo, ni jaio nintzen 1971 urtean, 75ean diktadorea Espainian hiltzan, eta hor urte oso txarrak hasi zian guretzako, transizio urte horiek, etaren aktibitatea oso bortitza izan zen, eta politika eta violentzia arlo guztietan sartuta zegoen, lagunen artean, lan eremuan, denetan, ez, ikastoletan, eskolatan, gure arlo guztietan, eta oso zaila zan hemen bizitzea, ni itota bezala sentitzen itzan, eta hoi dela, oain dela 10 urte aldein nunean, oain dik ere, pues, nahiko presio sozial handia zehon zentzorretan, oain dena etenda, eta benetan eskertuak egon bar deu, gauzak nola dauden oain ikusita, lehengo unean aldezaretikan, Donostiko aldezaretikan, nijuala, ikusi nituen bi ertzain patrullatzen oinez, bakarrik. Eta emozionatu nintzen, esan ulako hori posible da gaur egun. Jendia ez dago bildurrez, jendia ez dago, ez dakit, zentzu askotan gauzak asko betu dira lagunen artian, lantokitan, asko zobe dago Euskal Herria gaur egun. Eta handik ze irudi maiten diote Euskal Herriari? Ba... Prentxak eta nazioarteko prentxa hori, efen nola erakusten dute Euskal Herria? Ba, normalean, eta nik usteet zentzu handiena, nik usteet sukaldaritza da Euskal Herrian. Euskal Herrian erirudia da sukaldaritza. Eta pozik egon barde horretaz. Begira. Baizik eta ez bakarrik arazo politikoa, baizik eta sukaldaritza oso gauza importantia da, eta badakit hemen gaudela, eta asko respetatzen da hori, eta, bueno, bai. Eta zuk, beraz, eta nola aurkezten duzu zuk, California esan daiteke edo estatu batuak Euskal Herrian, pixka bat, alderantziz? Ah, nola esango nuke angoa dana? Bueno, pues esango nuke ez dela telebistan ikusten deguna, hori esango nuke. Abai! Ez da gutxiago ere, ez da Baywatch eta lako, ez da gutxiago ere, nei guztiz engainatuan induten, eta ara joan itzanien usteko, garazala. Eta ez da antzekua ere, oso desberdina da, politia da, oso politia da, eta denetaik daka, mendia, ondartza, oso handia da, Kalifornia bera oso handia da, baina, bueno, ez da telebistan jartzen duten bezala, ez da gutxiago ere. Eta, bueno, pues, bizitzan ez da guain dela 30, 40 urte zena bezalakoa, Amerika ez da herrialde idiliko hori ez da gutxiago ere gaur egun, bizitza kalitatea jende askorena nahiko bajua da, pobrezia asko dago, langabezia ere badago, zerbitzu sozialak ez daude, eta azken finean horrek asko zaildu egiten du bizitza. The American Dream azkenean ez da gehiago amets bat, baizik eta mito bat orain? Gaur egun ala da, bai. Guain dela esan bezala 40-50 urte, 30 urte, guain dikan ere bazeon, alako klase media indartsu bat estatu batuetan, hori guztia desagertzen ari da, eta pues The American Dream hori gaur egun hemen bizi deu. Hemen Europan nik uste dut alako kontzeptua gaur egun hemen hala dakagu eta estatu batuetan nik uste dut desagertzea doala, pixkanaka. Eta hala ikusten dut, hala izan den eksperientzia San Francisco hiri handi bat da eta bueno, pues, diru asko badago, baina pobrezia izugarri asko dago ere bai eta bizitza nahiko zaila izaten da San Franciscon. Robert? What do you think about that? I don't speak Basque that well, Benoit, so it's pretty hard for me to understand everything that he said. Are you joking? There were some things that I did catch about his the educational stuff in the films. I got some of that, but don't pick on me tonight, Benoit, all joking. Right? No, because you're just so nasty. The last time you were joking about me. Revenge. Okay, yeah, all right. Okay. Donc voilà, nous avions avec nous Aitor Inara, donc, qui est professeur d'Euskara dans la communauté basque de San Francisco, en Californie, qui est également coordinateur du développement de l'Euskara pour NABO aux États-Unis. Ça fait 10 ans que Aitor est parti s'installer en Californie. Il est né à Donosti. C'est Urtean, sur toi, Silas, c'est où? En 71. Mais Roïta l'a ourté, tout ça? Ni baino Saragua. Oui, moi, on bicaine. Urte bat gaiago. Ah, il a 44 ans et donc il est parti vivre là-bas il y a 10 ans. Parce qu'il en avait marre un peu, il avait l'impression d'étouffer au Pays Basque, que le contexte d'alors n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Comme il nous expliquait, lui il est né en 71, donc c'est vite après sa naissance, il y a eu la chute du franquisme. Et avec également un peu un développement de la violence de part et d'autre des frontières et de part et d'autre des partis, de l'État d'un côté, de la Guardia Civile et des dictateurs de l'autre côté. Et donc il avait l'impression d'étouffer. Et donc il a eu besoin un peu, pour se sentir vivre mieux, de partir en Californie il y a 10 ans, ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, effectivement, donc il est quand même acteur, il est... Portugues jamitzen duzu zuzuk? Bai, bueno, bere garaian bai. Guain dela 10 urte edo ez dut praktikatzen, baina bai, portugues hitz egiten. Ikusi zaitu telebista nortarako, portuguesa. Publizitate batean, hor, erabili dute Aitor egiteko portugues bat. Brasileñoa berez. Brasileñoa, bai, zenta ez duzu, xubera bizarri, kafe bono. Hala, et donc, Aitor, donc, qui aujourd'hui est revenu en septembre et qui va retourner en Californie en janvier, est venu donc nous rendre visite, d'abord parce qu'il a participé au congrès international des Escolaches, et congrès de Barter Toulouse, où il a été longtemps, en tant que responsable de représentant de l'Euskala au sein de NABO. Et enfin, il nous a expliqué aussi que le rêve américain, eh bien, en fait, c'est davantage un mythe qu'un rêve aujourd'hui, qu'en fait, les différences sociales se sont creusées de plus en plus, que la classe moyenne a de moins en moins de pouvoir, qu'il a été à Malibu, voire sur les plages de l'alerte à Malibu, et puis elles n'y sont pas du tout, les baigneuses, hein, au lat. Et c'est là, hein? Et c'est là. Donc, elles n'y sont pas, les baigneuses. Cependant, que tout est grand en Californie, que pendant 3 ans également, avant de développer ses cours d'Euskara et de rentrer même au centre basque, il est resté sans aucun contact avec personne, qu'à un moment donné il a eu besoin de faire un travail sur lui-même pour développer, justement pour ne pas oublier. Donc c'est là qu'il s'est rapproché du Basque Cultural Center dans South San Francisco, et c'est là qu'il a effectivement commencé à donner des cours d'Euskara. Il tient aussi à nous, quand je lui ai posé la question de comment la presse internationale nous voyait, sans trop parler forcément des questions conflictuelles, il me dit c'est surtout au niveau de l'image qu'on a, c'est la gastronomie eta bizikalitatea ere bai, ez? Gastronomia eta bizikalitatea badaukagu hemen pixka bat? Aurkezten dute hori? Aurkezten dute hori, nik uste ezetz. Nik uste ez daukatela irudi hori. Ez dira koinezet hori. Zior aski. Odira. Donc, voilà, c'est surtout la gastronomie basque qui est mise en avant. Voilà, Robert, waiting for you. Yeah, I try to do a pretty good job here after. And it's kind of bad because now I have the people here that actually speak English, so if I screw up... I'm going to get blasted. So wait, Aitor or Anton? Aitor. Anton is for the US. Oh. That's my American name, yeah. You go by Anton over there? I changed it. It was kind of funny. I used that name when I started working there in the restaurant business, and all of a sudden, all my friends and coworkers knew me as Anton. And I'm like, oh my God, it just happened. Like, I changed his identities. My name just got changed. Yeah. And that stayed with me. Hold on, explica. Itzultan dugu pixka bat, da bakarrik eta deitzen da, behilazki Aitor nara, baina han erabiltzen dute Anton, zenta eien dako resago da, erraitea Anton, Aitor baino. Hori da. Ordan, jatetxeetan eta hori guzietan, eta eien dako resago zen erraitea Anton, Aitor baino. Bo. Hala, hortarako. Eta Robertek ez zuen zubela ulertzen benen. Zenta bera hemen da Aitor gisa, bere Facebookean da Anton. Bon, pixka bat nahasia gira. To you. Thank you, boy. That was pretty good. Well, we actually went from English to be translated into Basque. Stop pointing at me. Okay, I'm going to try to do this kind of briefly here. You've been in the United States for 10 years, and you could hop in here anytime you want like you did before. That was really cool. You started the Basque Cultural Center as a Basque teacher. You're currently the Basque coordinator for NABO. Part of like one of the reasons why you left the Basque country was after the fall of Francoism and the development of violence. You felt like you were suffocating and you escaped to California. You're also an actor. You'll be going back to California in January. And then Benoit was asking about the American dream and how it's kind of, I don't want to say like a facade, but how it's changing now and how the middle class is crumbling and that American dream isn't what it used to be. And then for your first 3 years in the United States, you didn't have any contact with anybody. And that's kind of what motivated you to get in touch with the Basque Cultural Center and get back in touch with your own culture. Yeah, I mean, I pretty much was fed up with the Basque culture and Spanish and everything, so I needed a break from that, and I just wanted to know Americans and hang out with Americans and, you know, just soak into the American culture. And when you were over there for that first part, was it basically in California itself, or were you in different parts? San Francisco, yeah. In San Francisco the whole time. Okay. Time. Yeah, yeah. Okay. Done. I think so. Great. Yeah. What about listening to Ken Saspi El Nasasu Eskutik? Olat, Mazusori, Bikain. Naizenak izeni ez du behar bilustean nire eskolak zatika zun aurrean erortzean bizortzeko hil behar den zubionen asieran begiratu beharrean ikusi nazazu ikusi nazazu Gareta zure osten daute arnastean desio eta beharrak nola elurra urtzean iesbidek berriro leku berera ekartzean bakar da desakondenak nire pausua izutzean El nazazu eskutik hau bukabitartean El nazazu eskutik hau bukabitartean Epai ez barkamenik Ez dut nahi zuri biderik Ez arrazoi zentzudunik Ez erorketa librean Besoetan salbatzerik Maite zaitut bat bakarrik Maite zaitut bat bakarrik el nazazue eskutik, kentzazpi, ala, zuretzat, l'amiral. Gurekin dugu emazte bat sortu da Washington irian, egonda sortzi urte boizen haidaon. Izan zen 2010 urtean uste dut Pauen? Bai. Hori da, eh? Estatu batuetako pilota selekzioan, Paueko munduko txapelketan, eta orain endaian bizi da. Bai. Zermandu zaude, Ester? Untza. Bai? Bai. Bon, bikain. Gauza bat, zure familia nungoa da? Nire familia Nafarroak dira. Nafarroak dira. Bai. Eta zer gaitik eiek joan dira hipermeiketara? Ba, segitzen The American Dream uste dut. Ah, famoso hori. Bai. Eta juntzen, ara, lan egitera. Bai. Eta gero nire ama... An, ara joan zen beste, bere osaba ara bizi zen, eta justo bere emastea hil zen umearekin, eta orduan haiek deitu zioten nire amari tortzea laguntzeko pixka batan, eta orduan nire ama ara juntzen, eta han ezagutu zuten nire gurasoek, eta gero ezkondu zuten, eta ni han sortu nintzen. Eta aita aparta gere? Bai, biak. Biak, beraz, anezagutu biak, bai. Beraz, bina parta jara joan, eta elkar zagutzen dira, eta... Bai. Ebe, wow, Robert, it's not the same. No, yes, it's the same. I hate you, Benoit. Yeah. eta remember, I can help you. Eta you. Oh, good. Pardon, zure boreasoak joan dira emendik. Bai. Eta zuk autatu duzu unat itzultzea. Bai. Zagaitik. Beti, bueno, txikitatik etori ginenean... Pena bat zen, adibidez, Gabonetan familia guztia hemen dago. Mm. Eta, bueno, etorri ginen eta elkarrekin lengusua jolasteko gauza polita izan zen. Eta gero ja urtero angeratu ginen dena ospatzeko gu bakari, laurok, eta gero beste napartarrak han zegoen ere, eta orduan elkartu ginen elkarrekin, baina ez da gauza bera lagunen artean eta familia artean. Eta banekin hemen familia eskontzan edo zeuzer elkartu. Bai, bai, horbilagoa dela. Bai, ziren, bai. Eta beraz, zer egiten duzu hemen zu gaur? Gaur egunean, irakasle naiz. Bueno, irakasle naiz, han ikasi nuen irakasle izatea. Eta gero hemen jarraitzen dut irakasle naiz. Hala, ingelesezkoa hor? Baina orain ingelesez. Ados, eta han espainolezkoa? Han biologia kimikea eta espainolez ere. Espainolez ere. Eta beraz, endaian bizi, eta non dituzu kortxoak emaiten? Lazkaun, Gipuzkoan. Zon bat kilometro hor? Ba, kilometro ez daki, baina kotxe ez 45 minutu egunero. Ah, guti gero bera bai. Bai, guti gero bera. Eta, uste dut ere bai baduzula egutegi, bena, izigarri betea. Bai. Esplikatzen diguzu, piskat, eta zure egun bat, ola, hasteko egun bat nola pasatzen den? Bueno, beteta dago, uste du pixka bat zergatik urrun bizin naizela. Baina, adibidez, bi egunetan behin, joaten naiz Donostiara, zazpietan, goizeko zazpietan, joaten naiz topoz, klase bat, ariketako klase emateko Donostian. Mm-hmm. Programazioa da, merreto 100 diaz, ordu ni monitora naiz. Maten dut, klase bat, ordu bat, arramanarekin itzi egiten dugu gure eguneko garaian, eta gero ja itzuli naiz endaiera, mm-hmm. Gosaldu, boskaldu. Dutxatu, eta askar amaiketerdietatik jaten naiz Lazkaora. Eta klasean azten da amabiterrietan, eta gutxi gora ez 8:45 gutxi arte. Agatxean. Bai. Eta gero? Etxera berriro. Eta? Afaria prestatu behar du, lezioa prestatu behar dut, pixka bat kirola ikusi nahi dut, odo behar dut. Odan zu zein zira, Real edo Atletik? Reala, bueno, Osasuna lehenik, baina. Bigarrenak dira, baina. Ez eta boizen dira egiago Atletik. Bai, baina, ezke, denak bizkaitarrak dira, horregatik. Bai, gaixoak. Bai. Bai, badak... Ez berdut haiek entzuten ari direla. Bai, orde, Iban Iturrain, Iban Iturrain bera eta abe. Bai, Iban, ziur, bai. Entzuten bali mali guzu. Iban zupadakizu, Eta gauza bat, nor nahi zinuke agurtu, badituko jende batzuk zen, eta sartu zira gure elkartean gaur egun, sortzi provintziak elkartean, eta ez zinekizu, manan badira zuri lagun batzuk guarnan ere. Bai, Rocio, eta Enar, bai. Rocio Bazterra eta Enar. Be, entzuten, berbata entzuten, Rocio ez, eta gaur besta egiten ari lagun usua, delako Semana Nazional Bazka hori Makatxinen Argentinan. Bai. Hor, gaur bertan bukatzen dute, hor ari da, Rocio, bai, hor ari da, dantzatzen, zen abeste. Zazpi ordu desberdintasuna, Roziorekin? Sei. Sei. Sei ordu. Sei ordu. Bai, hor da, bai, Baskarietik ateratzen hor. Hor, atenure honetan, Baskarietik ateratzen ari dira hor. Eta ari da beraz beste iten makatzen, eta enarxiko noski, bera boizen. Bai, noski, boizen, bai. Oan, bera, bai, atletikoa, baina Rosio ez dakik guzo, bera, bera. Bai, asko. Nor da, bera. Bera, Boca, Boca Junior. Bai, Boca Junior. Aizu, azken gara, beraz, presaude gurekin segitzeko elduden irratxa joan? Bai, bai? Gustatuko litzaideke, bai. Bebikain, ego behar, we're going to be free. We're, oh, good. Starting December? Four with Lilia. You coming on board? Sure. Excellent. Four with Lilia. That's going to be weird. We're going to double l'effective. Miss Weather. Yes. And the photographer. And photographer? Yes. And National photographer. Ooh. Yes. And she speaks English as well. Excellent. Well, she's trying. She's trying, she said. Okay, it's all right. Very good. Ikasten da, bai, bai, bai. Bon, ikasi behar zenuke, jaranik, zura izpatikia gaten duen zela, Euskara zobeki. Euskara zinei nahi, zara. Badakit. Eginen dut pixkat eta itzulpen bat frantxexez lehenik eta obeki orkesteko. Donc, avec nous, nous avons Esther Siganda, ne a Washington. Zer din duzu barkatu? Zura dina? Txain. Horain, astu zait nire zenbakiak euskeraz. Ez? Berrogeita bat. Berrogeita bat. 41. Bai. Ok. Beraz, Esther Siganda, sortu berrogeita bat urte, sortu da Washington irian, beraz, Ipar Ameriketan. Zer, ni, itzulpena euskara ziten dut bai. Zer, tontua, ni. Egin dugu elkarrezketa. Washington irian ez. Ez, estatuan? Estatuan. Estatuan. Ah, de, beraz. Bai, bai, bai, bai. Pacifikazta. Bai. Ah, barkat. Washington DC, ez. Seattle. Ez que orain kontoratu naiz, ez da Irian, ez Washington Staten. Donc nous avons avec nous effectivement Esther Siganda, née dans l'état de Washington, Seattle, nord-ouest des États-Unis. Bai. 41. Iru ordu Seattle-etik, baina zuek ezagutzen duzuek gehiago Seattle. Ordu ni beti esaten dut Seattle, baina ez da Seattle. Ni barnean aldean. Barnean aldean. Bai. Barnek aldean. Bai. Elle est donc restée 8 ans de plus à Boise dans l'Idaho et a participé en l'an 2010 au championnat du monde de pelote à Baline, à Pau. Et à IAS Mexico. Et à Mexico. Oui, Orescaria et Ninsen Pon et à IAS Hocatunuen, Mexico. Et à Sino Sumexico? Bueno, gure taldean ondo. Bigarren geratu ginen, gure taldean ondo. Voilà, donc elle a participé cette année au championnat du monde à Pau. Il y a l'année dernière. Yes, l'année dernière. Oui, il y a un rassemblement de sous-centre. Baguine, on est là-bas, Xavier Cazobon, téléphone. Oui, il est là où tu es bas, tu as un rassemblement de sous. Et tu avais là. Et donc, elle a fini seconde à Baline. Elle joue à Baline pour la sélection des États-Unis. Et aujourd'hui, elle vit à Hendaye. Alors, nous avons pas mal un peu discuté. Je lui ai demandé, voilà, un peu de nous raconter un peu l'histoire de ses parents quand ils sont partis. Elle nous a expliqué. Micro, oui, Ongi Olatz, Obe, Ola. Hein, oh, on guidoute, bat, bi, micro, bye. Ordiane. Donc, elle nous a expliqué un peu que d'abord, il y a sa tante qui est partie là-bas, qui a eu un enfant, qui a eu un accident, enfin, qui a eu un décès. Et sa tante a fait appel à sa mère pour lui filer un coup de main là-bas. Et c'est sa mère qui est partie, donc c'était Navarrez, qui est partie là-bas et qui a rencontré son propre père là-bas, qui lui aussi est Navarrais. Et donc, Esther a ensuite vu le jour il y a 41 ans, donc à Washington. Et je lui ai expliqué, ben voilà, en fait, que ses parents sont partis, qu'elle a plutôt choisi de revenir au pays. Et elle a dit effectivement, parce qu'il y a quand même la plus grande partie de la famille qui est ici, quand il y a des réunions familiales, quand il y a toutes ces choses-là, elle me dit qu'elle préférait effectivement rester à proximité de tout cela. Alors elle a un emploi du temps assez chargé, puisque... Saitenusu Goizian Merreto 100 días programazio hori... Zer da hori? Ba, eguna, jarraitzen dugu gauza nutrizion ariketak egiteko, eta gero ere gure... Gorputza, bueno, mentalidad ere. Ah, dos, coach, piscat. Mai. Ouais, ok, le matin, on va dire, super intégré chaque jour, elle va être un peu coach alimentaire. Olida, olat? Olida? Bye. Bye, hein? Bye. Ouais. Coach alimentaire le matin, et ensuite elle est professeure d'anglais à Lascao, en Guipuscoa, donc à peu près 45 minutes de chez elle. Et elle, donc, elle a décidé quand même de vivre à Hendaye. Et alors, c'est surtout une nouvelle adhérente de Sortie Provinciaque, et elle s'est engagée à partir du mois de décembre de revenir dans cette émission de radio pour co-animer avec Robert, Lilia, moi. Mais nous serons quatre maintenant à co-animer cette émission de radio. Voilà, Robert! Waiting for you. Okay, well, I'm going to do this a little bit different than last time, since I actually have Esther here in front of me. I'm going to just throw you up some softball questions, and then that way you just answer pretty much what I have in front of me. So I think it'll be a little better. You have a lot better voice than I do. So, you were born in the state of Washington. Yes. Okay, and how much time did you spend in Boise? 8 years. 8 years? Mm-hmm. And you play a Basque sport. Yes. What sport is that? So it's one of the modalities of Basque pelota. Okay. And so either with balin, which is with the paleta argentina, the faster ball, and we have one trinquete in the United States, so we try trinquete, but we don't play too much of that. And so we play in a fronton, and then also with a maciza, which is the harder ball that's harder to bounce, and then the thicker paddles. Okay. And that's usually in San Francisco and Boise, and where there's more facilities. Okay. Have you participated in any international competitions? So I participated, well, in Poe I went as a sub. Okay. So I got to see my first international experience. And then from there, I went and played in Argentina in the first tournament. That's where I met Rocio. And then from there, after Poe, I went to Durango and played in a tournament there. And then I went to the Pan Am Games as a delegate to help the guys, especially some of the handball players from here that went and played. And then last year in Mexico, I actually got to play. Okay. And then where are you currently living in the Basque Country? In Hendaya. Okay. Hendaya in France, and then I work in Spain. Okay. Why? You choose Iparralde? Why did I choose Hendaya? I've lived on a farm my entire life, and I wanted the beach. So I'm a farm girl who just wanted to see the ocean every day. Naiz zulako beti be ukan be baserritar bizitza bat pixka bat, baina itsas bazterrean. Hortarako hautatu du Hendaya, olatz. Bai. And I'm not going to ask you your age because I think that's a horrible question to ask people. But you are the really good news is that you're going to be coming on board to this show. So yeah. We'll be seeing you next month in December. Yep. Excellent. ¿Tienes algún mensaje para Rocio? Ya, tienes dos, tres minutos. Rocio. Sí. How are you? Se moduz. Espero dut laster ikusiko gara elkarrekin, ez da? Uste dut baiet, atzo entzun nuen agian etorriko zarela laster, ez da? Eta beraz etorriko da gurekin hemen ere, Rocio Bastega, Vietmako Eskoletxetik, Patagonian, urtarrilean etortzen da, ordan ez dakiko urtarrila utxaila, hor, behar bada bien artean, beraz, utxailaren emankizunen, behar bada gurekin izango da hemen. Orduan, faltako da bakarrikenak, bai. Eta hemen iruak balin bazidezte, ikaragarria izango da. Ikaragarria izango da, bai. Rocio, entzuten balin bazaitugu, eizu, bat ongi besta egin, bi ongi dantzatu, eta hiru ez sobera edan. Hori izango diogu? Yes. Bo. Proposatzen or drink one for us. Drink for, yeah, oh, yeah, have a drink for us. Do you know Yodelis group? What group? Yodelis. Talk to me. Listen. Something just changed in your song. Tell me, baby, what's wrong? What's going on? Have you been crying? Something just flicked in your eyes. There's a crack in your gaze, like those broken days. Talk to me. baby, talk. It's me. Talk to me. Seems like the sun is shining on everyone but me. Won't you talk to me? This is getting scary. Something got hold of your soul. You're like never before. Is there something more? Have I missed anything? But baby, talk to me. Please talk. Baby, talk. It's me. Talk to me. Esther, ezagutzen zinuen hori? Yodlaiz? Yes. No. Ala, ala, ala. Akantu hori abeste dedikatzen dugu, Valérie di. Hor, bere bretanian edo korsikatik sartu baldin bada. Hein, si elle est rentrée de Corse, on va dedikatzen cette chanson à Valérie Prime, qui m'a... Ah, du te la vlog sur tous les téléphones. Merci, Cécile. Alchutegui, notre nouvelle invitée. Ala. Goule gomita berria, Cécile Alchutegui, chartzen da. Be, bai, be, ura guzia botatzen du telefonoetan. Bon, le bikain. Hala, beraz, orain beste gai bat aipatuko dugu, beti pilota munduan egonen gira, Esther. Ezagutzen duzu, le jeu de pomme, zer den? Ez. Bat ere, ebe, deskubrituko dugu elgar, oh, Cecilia Chutegirekin, Cecilia Ratxaldeon. Ratxaldeon. Bo, alors, patron mouillé? Non, non, parce que moi, non, mais je vois, il y a de la flotte partout sur la table. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, il y a Cécile Alchutegui. C'est en direct, en direct. C'est en direct, vous inquiétez pas. Et Stéphane Duo. Donc, Stéphane, qui s'occupe, toi, du trinquet Saint-Martin. Ouais, Saint-Martin, bien. À Biarritz, c'est ça. Et toi, Cécile, donc, bon, on te connaît par ailleurs, mais on ne te connaissait pas du tout ou très peu sous l'angle jeu de pommes. Alors. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sport? Parce que c'est vrai qu'il se dit pas mal de choses, comme quoi ce serait l'ancêtre de la pelote basque, enfin que ça démarrait de là. Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que toi tu sais si c'est vrai, c'est pas vrai? Enfin, qu'en penses-tu? L'histoire dit que ça a démarré, oui, il y a un millénaire, et que c'est l'ancêtre des sports de balle, donc de la pelote basque, mais surtout aussi du tennis. D'accord. Donc, parce qu'initialement, c'était joué à la main nue, après en gamme de cuir, et c'est ensuite devenu un sport de raquette. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'ancêtre direct des jeux de balle et du tennis. Et donc, au niveau de l'histoire, donc on l'a très rapidement évoqué, c'était quand même un sport un peu notable, on va dire. C'était pas n'importe qui jouait, puisque ça, c'est un sport qui est millénaire. Donc je suppose que c'est quand même que des rois qui ont joué là-dessus. Enfin, d'où l'expression le jeu des rois. Par exemple. Ou le roi des jeux. Oui, effectivement, ça a été, c'était plutôt par les nobles. Et les nobles jouaient justement avec les gammes de cuir ou les raquettes. Avec des gammes de cuir. Mais il n'y avait pas que. Il y avait aussi tout le monde pouvait y jouer. Oui. Et d'où l'expression aussi jeu de main, jeu de vilain. Donc les pauvres, voilà, jouaient à la main. D'accord. Mais ce n'est pas qu'un sport de noble. On parlait de sport de noble parce qu'il y avait les instruments. Et donc, toi, ça fait combien de temps que tu y joues, que tu pratiques ce sport ? Maintenant, 3 ans et demi. Voilà, et ça se pratique beaucoup dans la région ? De plus en plus, on va dire. Ah bon ? Non, ça reste très confidentiel. Stéphane Duo est là. Alors, Stéphane Duo est là, mais je ne vais quand même pas dire la bêtise. Donc, je suppose qu'au Trinquet Saint-Martin, on y joue. Voilà. Et est-ce qu'il y a... comment c'est venu cette naissance ? Pourquoi le Trinquet Saint-Martin a proposé de développer le jeu de pommes comme ça ? Mais à la base, c'était plus pour se diversifier, puis pour combler les chronos qui étaient vides. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à jouer, je me suis piqué aussi. Et puis voilà, du coup, on va lancer un club pour le développer un peu plus le jeu et, d'accord, et faire quelques compétitions. Et vous êtes combien maintenant à jouer là ? Voilà, une régulièrement entre 10 et 15. Et est-ce qu'au niveau de l'infrastructure, est-ce que ça change beaucoup d'un trinquet classique ? Parce que je sais que quand même le terrain du jeu de pommes en lui-même n'est pas forcément le même terrain qu'un trinquet classique. Les bases sont les mêmes. Après, il y a une grosse différence, c'est que côté frontis, il y a une troisième planche en fait. Voilà. Le chilo est avancé sur le petit mur et le pan coupé à peu près 2 mètres un peu plus loin. Il n'est pas dans l'angle comme en trinquet. D'accord. Parce que moi, j'ai vu... parce que bon, même si Esther a participé donc, à 2 championnats du monde, on a quand même Cécile qui a participé au championnat du monde en avril dernier. Et moi, donc, j'ai vu sur YouTube Cécile en train de jouer. C'est quand même assez impressionnant parce que, en fait, c'est à la fois du trinquet, c'est à la fois du tennis. C'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, ça dépendrait de la fédération de tennis ou de pelote basque ? Du tennis. Du tennis. Et donc, on compte pareil ? Oui, ça se joue en 2-7. Et avec les points 15, 30, 40. Et ça vient d'où ça alors ? Alors pour la petite histoire ou pour votre culture, en fait les points étaient comptabilisés un par un, mais à chaque unité inscrite, le joueur d'abord était situé à 60 pieds du filet. Et donc après le premier point, ça donnait droit d'avancer de 15 pieds, d'où 15. Au deuxième point, il fallait avancer de 30 pieds. D'accord. Et au troisième point, il fallait avancer juste de 10 pieds, parce que sinon on était trop près du filet. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement la structure ressemble à un trinquet, mais on met un filet au milieu. C'est ça. Donc d'où les points 15, 30, 40, et après je... Parce qu'en fait, c'est, moi quand je regardais effectivement sur YouTube, c'est quand on voyait que la partie se déroulait, sur YouTube du moins, c'est vrai qu'on voyait les joueurs qui changeaient de côté, oui, comme au tennis. Mais alors que quand on imagine un trinquet aujourd'hui, tu peux pas, il y a pas de passage, tu serais obligé de passer par-dessus ou par-dessus le filet. Or là non, pas du tout, il y a un espace sur le côté qui est fait sous le tambour pour permettre aux joueurs de passer d'un côté à l'autre. C'est ça. Donc c'est vraiment une infrastructure propre. Oui, propre au jeu de pommes. D'accord. Mais enfin tu sais qu'ici il y a beaucoup de trinquets qui sont à la base jeu de pommes. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à Bidaray, j'ai visité Bidaray, et on m'avait... Enfin, visité le trinquet de Bidaray, oui, parce que je connais Bidaray. Ah ouais, c'est joli ce petit village-là, c'est joli. Oh, il y a des basques et tout, ils sont mignons. Et on m'avait dit que c'était un ancien jeu de pommes, et effectivement, on retrouve toutes les traces. Mais... Et on retrouve cette trace sur le côté du passage. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est... par exemple, si on prend l'infrastructure de Saint-Martin, du trinquet Saint-Martin... Moi, si je viens de taper à Palette à gomme pleine, par exemple, je peux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est exactement la même structure, sauf que vous rajoutez des pans enfin, pour le jeu de pommes. Non, nous, on ne peut pas les rajouter, on joue sans la troisième planche. Mais, d'accord. Le trinquet, c'est ce qui se rapproche le plus de la salle de pommes. Donc, on s'entraîne dans un trinquet, parce que les vraies salles, il n'y en a que deux, et une à Paris et une au château de Fontainebleau. Il n'y a que deux en France. Bon, j'ai pas mal combien d'entraînements quand même aussi. Ouais. Le jeu des rois, tu en as parlé. D'accord. C'est ça. Et prochain calendrier, admettons, si moi j'ai envie de voir une partie de jeu de pommes, tu as des dates à communiquer Mais déjà, vous pouvez venir à Saint-Martin. À Saint-Martin, voilà, on y joue tous les lundis, ça c'est sûr. À quelle heure ? De 13h à 14h30. C'est qu'on travaille, nous. Voilà. Enfin, je dis pas que je travaille pas. Après, on peut. Oui, c'est mon jour de repos. Là. Ah, pardon. Mais après, on peut s'adapter. Hein, on peut, D'accord. Ça, il faut voir avec Stéphane. Stéphane qui gère les heures. D'accord. Voilà. Après, vous pouvez voir sur les sites. Enfin, site internet, site YouTube. C'est sûr qu'ici, c'est dommage, on n'a pas de vrais cours. Ce serait un besoin, enfin, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à pourquoi pas effectivement avoir une vraie infrastructure jeu de pomme avec sans besoin de démonter, mais à condition d'avoir aussi le nombre de licenciés nécessaire pour pouvoir, parce que ça a un coût quoi, ça aussi, c'est ça le bien truc. Bien sûr, pourquoi pas, mais s'il y a un mécène qui veut construire, pourquoi pas. D'accord. Eh bien, nous, on va continuer avec ça. Donc, doucement. Beraz, jeu de pomme, zer da. Beraz, Cecilek esplikatu gaitu pixka bat, ebe historia mailan, zela gutxi gora bera mila urteko joko bat. Zela ere bai eskupilota eta raketaren bai joko bat. Teniseko ere bai arbasoko kirola, nahasketa bat zen, eta beraz bai iduriz, ebe zela ere bai erregle edo aberatzen joko astapenia, baina ez geroztik, eman dizkigu piskata ejemplo batzuk nola, ebe azkenean ez ziren bakarrik aberatzak baizik eta ere bai pobre batzuk, bazira frantxez ekspresio batzuetan ere bai olako gauzak obek ulertzeko, je de main, je de vilain, bezalakoa. Eta beraz, hori esplikatzeko, ez zirela bakarrik aberatxek zola hasten. Gero punduka nola esplikatu gaitu ere bai, be, pundua kondatzen zirela tenizan bezala, ama bost, ogoita mar berrogoi. 30-40 o teniz, 45? 30-40. 40. E avantaj ou pa? Oui, pareil. Bela, punduak, bai, dira tenizan bezala, beraz, ama bost da, haintzinatu zengira, ama bost, oinez, oinezko aintzina egiten dugu, bigarren pundua irabazten bat dugu hor ere bai egiten ginuen beraz ogoita mar, eta irugarrenean hor gehitzen ginuen amar, zenta bestenaz sobera urrun duten ginela. Eta beraz ogoita ma bost, ogoita mar eta berro goita gero jokoa. Hala, Après, par rapport au point, vous pourrez voir aussi sur des vidéos des tournois ce qu'on appelle avec handicap, c'est-à-dire on peut jouer quel que soit le niveau. Mais si la personne en face est bien plus forte, elle peut partir avec un handicap, style moins 15 ou moins 30, ou l'autre personne avec un handicap plus 15 ou plus 30. Ouais. Voilà. J'ai oublié de dire aussi que tu as participé au championnat du monde au mois d'avril dernier, et que tu t'entraînes donc les lundis de 13h30 à 14h30, tu as un créneau de 1h au Trinquet Saint-Martin, donc nous avons Stéphane Duo avec nous, qui gère le Trinquet Saint-Martin et qui nous a lui par contre pas mal expliqué, explicato gaitu, obekio, beraz Stéphane Duo, nolako teknikoki, nolako espazioa berzen, nolako joko irabiltzeko, baizik eta trinkete bat, baina trinkete bat, normalean bada beste taula bat, hirugarren taula bat, eta erdian bazen beraz filet. Eskimotza bat, eta beraz da tenizan bezala, baizik eta trinkete barnean bezala. Ordan, haien arazoa da, egia erran, iparraldean ez da, oraindik gaur egun trinketetan ez da olako ofizial lekurik, hau da haien beharra gaur egun. Gaur egun ere bon, badira kide batzuk hautatu dute Saint Martin trinketean biarritzen egitea edo zabaltzea joko hori. Bera, jadanik diversitatzeko bere aktivitatea. Eta gero, seiatu delarik, baitatu delako, bera segitzen du hortan ere bai. Eta, seitasun, vous avez un site web? Oui. Web. C'est du trinke, ouais. Un website? www.trinke.com -saint-martin-biarritz.com. Alors, où est-ce que ça y est, Aldis? Trinke Maratikia Saint, S-A-I-N-T, Maratikia Martin, petit. Biarritz. Martin-Maratikia-biarritz.com. Waouh! Compliqué, mais bon, quand on trouve, on apprécie. Et avec la salle, Robert, small translation, professeur? Sure. Cécile Achtegui here with us this evening. Cécile, vite fait, jeu de pomme, est-ce qu'il y a une translation? Wheel tennis. Which one? Wheel tennis. Real tennis. Yes. The jeu de pomme, which when you, if you translate it directly, is the game of the apple, but it's translated into real tennis. It's a game that can be played in a trinquet, which... a net that you can play on both sides. It was originally a game of nobles that was played with the bare hand, but then as the nobles didn't want to hurt themselves and to distinguish themselves differently than the rest of the people, there was the development of leather gloves and rackets. Cecile has been playing it for approximately 3.5 years, and she participated in the World Championships last April. Currently, she practices at the Trinquet of Saint-Martin in Biarritz. And this is where it's played. She plays typically on Monday afternoons from 1 to 2:30, if you're interested in checking it out. If you also want to see, it's kind of hard to get an idea of what the game looks like trying to explain it on the radio. But if you go to YouTube, you can do a search for Jeu de Pomme or Real Tennis to actually see the game being played. And if you're interested in finding out more information about how it works in Biarritz, instead of, I'm not going to do the website now, but if you do a Google search for Trinquet, Saint-Martin, and Biarritz, you'll be able to find out all the information that you need. Oh, one other historical thing that was pretty interesting about counting the points, because the game is similar to tennis. It used to be counted in points by ones and twos, but it uses the same points counting as tennis, 15, 30, 40 advantage. But when it was initially established, when you were playing, if you scored, you scored a point, but then you would benefit by moving up 15 feet, and then after that, 30 feet, and that's where the 15, 30, and 40 came from. This show is just an educational treasure. Merci Robert. Au niveau international, ça se joue où par contre ? Alors ça se joue beaucoup en Angleterre, ouais. États-Unis, Australie, un petit peu en Hollande. Voilà, mais essentiellement Angleterre, États-Unis. Le Commonwealth quelque part ? On va dire ça ? Non ? Ça se fait pas trop en Inde aussi, non ? Non. Je connais pas un end. Bon, ben tant pis. Belas, ben tant pis pour moi, j'ai pris un râteau, c'est pas grave, c'est pas la première fois. Mais peut-être. Hein. Voilà. De Belas, galegitanion, ben bainun egiten zela, et ben atzerian, Belas erangaitu, Inglaterran, estatu batuetan, Australian, eta Hollanda, Hollandan, voilà. Segitzen dugu, tenorea, y a l'heure qui avance, donc on va avancer. Entzuten duzu beti bezala sorti errealdeak zuzenen Euskal Diasporaren emankizuna. Eta hor segitzen dugu Diasporaren berriak. Horain txibertan. Zer horatz? Baba, Diasporaren berriak. New York, USS singer Michael Urdangarin and poet Elizabeth Maclean perform at the Brewery Poetry Club. Asentua, ongi da? Bai. New York, USA meeting of cheer. 2005 New York City Marathon Runners and they passed by close to the Euskal Etxea. Aldakizu, gainera aurten, ofizialki Nueva Yorkeko maratoian, izango dela bandera ofizialetan ikurina? Bai. Aste buru honetan, ez da? Aste buru honetan, bai, hori da. Makachi in Argentina, rural sports, bass dance and luchon to say goodbye to the Argentinian Basque Week. 2005, Sacramento, California, USA, Basque singer Mikel Erentzuntz. 2015, USA tour, the last at the club, Mango's Antro. Eta hori zen gaur bakarrik. Gero, denak egin ditut ingelesez hor. Azaroren lauean, Los Angeles, USA writer Begonia Echeverria Wright presents her novel Hammer of Witches at UCLA. University of California, Los Angeles. Sorry about that, Benoit. UCLA. What the hell is that? Really? Really? UCLA. Okay. Oh, yeah. Sorry. UCLA. For once, I get to correct you. Wow. UCLA. When the smokers. Okay. Azaroaren bosta, Barcelona, Catalunian Party and Baroka. Lecture at the Euskal Etxea within the Euskal Herria Zona Music Festival. And Azaroaren... Cheyenne, Tres Arroyos, Argentina, Pincho dinner organized by the Iru Erika Basque Club at the Equarius. Barcelona, Catalonia, single Libre performs at the past Passage del Born for Euskal Herria Zona. Barcelona, one more time, Chalaparta workshop at the Euskal Herria within the Euskal Herria Sonoma Music Festival. Azaroaren Zazpia, South San Francisco, California, USA Basque Cultural Day and Pilota Eguna within games. Video presentation and many more. Betty Saspian, Garnerville, USA, author Begonia Echeverria presents her novel Hammer of Witches at the GT restaurant. JT, okay. correction. kasimoak haitut... T'es bien entouré là, Benoît. Petit Benoît, petit. Allez, Azaroen sortie à Reno, USA, writer Begoña Chivera, present the novel Hammer of Riches at the Sundance Bookstore. Et à Barcelona, Catalonian, pinch workshop organized by the Euskal Etxea and the Catalan capital city. Aguero, or, pasatzen gira abenduan, amalauean, Toulouse, France, concert of the group, Aurida, it's for you, Robert. Yeah, Berri Txarak. At the Le Saint de Saint Hall. Yeah, the Saint de Saint Hall. Hala, eta horrekin bukatzen dugu gaurko berriak, eta bukatzen dugu zuetan zute horrein, Gorka eta Aide Erzabela eta Amaika arrazoi zergaitik ez, Lamiraren dako Bretanian. Amaika arrazoian alkartutzeko, gaztea xearrekin hitz egiteko, batzeko alkartzeko lenguak gotzeko, gure bihotza kulturaz murgiltzeko, hainbat historioko rantz begira, txipitxapa alkartzen ari gira, igoala etxolari begira, odolak berotzen hasiko dira, bihotz estandari kolkotik tira, hitzako atuz mintzatuko argira, lapur bizkaitar giputxi altzira, ez dun gerreixa iri gulertzia, alboka zahardo oinu horri, bertxu errepik atzerik, dakarren historio horren, zergaitia jakiterik, gauluze mohotzi zar berri, gai urrotzean bihardi, aurrez aurre buruz buru, dantzariei begi geldi. Begira, txipitxapa alkartzen ari gira, igoala etxolari begira, zure miraure pelen, Salvadoren omenal dira. Hala, beraz, Gorka eta Ider Zabaleta, eguraldia, gure Miss Eguraldiarekin Lilia Etxeberri, egunon Lili? Egunon. Ongi mintzatu mikroan, orduan, eguraldia? Orduan, apitin morea irelan. Taitin da. Bai. Orduan eguraldia kanbiatzen da goizean. Bai. Bainan iguzkia izanen da arratsaldean. Temperaturak? 27 grado goizean eta 30 arratsaldean. Pusamakan. Orduan Bahia Blancan odei batzuk egun osoan, temperaturak eginen du 11 grado goizean eta 23 arratsaldean. Esteren zubi kapitala, Jonik... Espez da. Jonik urutxeten dako, odei txiki batzuk goizean, arratsaldean, aro edera. Temperaturak 8 grado goizean eta 22 grado arratsaldean. Kopenag din markan, nun dugu aritz gogorza. Aritz gogorza, gurekin zen olatzekin eta nirekin zen kastolan. Adoz. Hala, eta guain din markan bizi da. Oidei txiki batzut egun osoan eta 10 grado goizean eta 12 arratsaldean. Washington hirian, estate batuak... Estatu batuak. Bai, ben, hasi nintu. Ode... Toma! Ode jasko egun osoan, goizian 12 grado eta 17 grado arratsaldean. Bon, ben là, ben, je te donne la badaga, on revient là. Bakarik berrie liburuz, ez dugu itzulpena egin euskaraz aldiuntan. Aldiuntan egin ditu, eman ditugu berriak ingelesez, eldudan aldian egin dugu euskaraz, elbeste algunean egin ditugu espainolez, hizkuntza batean egin dugu edo, egin dugu berri bat hizkuntza batean, hori ikusi behar dugu, mintzatu behar dugu Elgar. Nola dugun ekipa berri bat oai, be, Elgar epatuko dugu hori. Elduden emankizuna, zenta tenorea intzinatzen baita, elduden emankizuna iraganen da abenduaren 6an eta esa antz, beraz ez dugu aipatumena abenduaren 4an Marseillako Euskal Etxak ospatuko du bere lehen urte betetzea. Hemen gomitatua gira, on est invité à la inauguration de la première Euskal Etxa de Marseille, Léonan. Alors, ils avaient annoncé que c'était le 3, ils vont le reporter au vendredi soir. Voilà, parce que c'est le seul moment où l'Escualetia de Toulouse, Lyon, Montpellier pouvait venir le vendredi soir. Donc ça se fera le vendredi soir, le vendredi 4 décembre. Nahi baldin baduzue etori emankizunean, hemen ikusteko nola pasatzen den gure emankizuna, posile da, bidali bikarrik eta email bat, irratia abildua zenbakia sortziprobintziak.com. Belbidera. Orduan, Michel Sandrez, Aitor Inara, Lilia Echeverri, Cécile Achutegui, Stéphane, Duo, Esther Siganda, Robert, Olatz, Milesker, Sueri, eta izaita gurekin gaur, eskerak eta gure entzule guziri, eta esa antz, beti bezala, kasu bidean. Sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratseko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Sortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta Sortzi Probintziak elkarteak antolaturik.